Bonjour et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. À la présentation à l'ancienne, quoi. Ah bah oui, non, il faut repartir. Hein. C'est ça, quand on est nouveau présentateur, on reprend le classique, on reprend les bases. Donc bienvenue pour ce nouveau nouvelle émission qui est le garage JDR. Vroom. Donc nous avons avec nous aujourd'hui Flavie Garnier. Bonjour. Jeff. Tinkage. Et salut, Romaric salut. Brillant. Salut. Alors oui, non, vous étonnez pas, hein, si c'est pas Romaric qui a le micro. C'est normal. Il se sentait pas capable de présenter cette magnifique émission qui est le garage. Étant donné que c'est toi, Thomas, qui a eu l'idée de cette émission, je pense que c'est à toi de la présenter, à nos auditeurs ce que t'attendais là aussi. Parce que la dernière fois, on a tenté une émission, il y a eu beaucoup de retours d'ailleurs sur le blog, ça me fait plaisir, même par mail. Et voilà. Oui, c'est vrai que les commentaires ont été très intéressants, je vous en remercie parce que ça montre que cette émission, elle va être attendue. Voilà. Et elle surtout, elle a intéressé grand monde. Exactement. Comme quoi, mon idée, comme quoi, il y a des gens qui ont envie de créer des jeux et qui n'y arrivent pas, et ben c'est vrai. Et ben oui, tout à fait. On a beau avoir beaucoup de rôlistes, mais je pense qu'il y a beaucoup de créateurs. Et je suis d'accord. Et donc, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu nous présentes l'idée que tu avais derrière l'émission, de savoir ce que tu voulais faire. Alors, et parce qu'en fait, je me suis aperçu en fait que les commentaires qu'on avait eus, c'était finalement des commentaires qui allaient dans le sens de l'émission. Qui allaient dans le sens, effectivement, de ce que j'avais. Exactement. Donc, pour moi, le garage, l'idée est assez simple. C'est-à-dire que j'essaye de créer des jeux. J'ai un jeu qui est en cours qui s'appelle donc Mao Shoujo. Ouais. Durant cette création, j'ai eu plein de questions qui m'arrivaient dans la tête. Je suis allé voir des gens, donc, par exemple comme toi, Romaric, qui avait déjà édité un jeu. Je suis allé voir Fred, je suis allé voir Fabien. Je suis passé par le forum Silent Drift pour poser mes questions. Et en fin de compte, je me suis dit, bah voilà, les questions que je me suis posées, je pense que tout créateur, aussi bien en début que même s'il a déjà fait des jeux, doit se poser ces questions-là. Mmh. Et en fin de compte, pourquoi pas faire profiter à nos auditeurs de cette expérience. Voilà, parce qu'on sait que si vous êtes en train de créer un jeu, les questions que nous, on va aborder, les thématiques qu'on va aborder dans cette émission-là, vous allez vous les poser. Ouais. Donc l'idée en tout cas du garage, c'était ben voilà, moi je suis en train de créer mon jeu, je suis petit créateur derrière mon bureau, devant mon PC, en train d'essayer de faire quelque chose. Ouais. Je pose une question, ben voilà, c'est ce qu'on va faire. À chaque fois que moi j'ai eu une problématique dans la création de mon jeu, je pense que ça peut faire un thème pour cette émission-là. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est quoi le thème ? Alors le thème d'aujourd'hui, alors on était parti sur le combat, mais je pense que le combat est un peu réducteur, donc je pense que vaut mieux partir dans le conflit. Alors, d'accord. Je pense que si on est parti sur le combat au départ, dit-il en me regardant, forcément, hein. Forcément, hein, Jeff, forcément. Bien sûr. Je pense que si on est parti sur le combat, c'est parce que pour beaucoup de joueurs de jeux de rôle, en fin de compte, les seuls conflits qu'on a sur une table, qui en tout cas est réglé et géré par le système, par les règles du jeu, c'est le combat. J'irais le combat même physique la plupart du temps. C'est-à-dire coup de poing, arme à feu, ce genre de choses. Épée, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que ce qui motive souvent à faire un système de jeu, c'est le fait de... Enfin, en tout cas, moi, quand j'étais jeune créateur de jeu, la première chose que je me suis dit, c'est il faut un système pour gérer le combat. Sinon, on ne saura pas qui gagne quand qui frappe. Bah, voilà. Si on regarde dans les jeux de rôle qu'on a dans le commerce, alors... Dans ceux que moi j'ai connus, peut-être que ça a changé, parce que je trouve que le discours que l'on a commence à quand même pas mal déteindre sur les jeux qu'on voit dans les magasins. C'est vrai que le combat est la chose principale. C'est-à-dire que on va créer un monde, on crée un système, les conflits principaux, c'est le combat que la base va donc régler. Et tout le reste, bon, on considère que c'est le MJ qui le fait. La question qu'on avait souvent traditionnellement, je me souviens la première chose que quand t'as découvert les théories forgiennes, Silent Drift, me dire mais regarde Thomas, dans les jeux on ne permet pas de faire une scène d'amour. Je dis si, moi je le faisais déjà, c'est pas nouveau, j'en ai déjà fait dans du jeu. Mais oui, mais est-ce que le système t'a aidé à le faire ? Monsieur Fall, ça. Voilà, podcast avec Monsieur Fall, qui est sorti effectivement il y a pas très longtemps. Merci d'ailleurs pour vos retours. Hein. C'est vrai que t'as raison, c'est-à-dire qu'il y a cette idée. Bah voilà, on faisait déjà avant tout ça, mais sauf que c'est le MJ qui le gérait en fait. Il n'y avait pas de gestion de conflit. Ouais, je pense aussi, enfin moi pour m'être posé ces questions-là aussi quand j'ai commencé à réfléchir sur un jeu, c'est que traditionnellement, moi j'avais l'habitude de voir des compétences directement en fait quand on regarde un système de jeu, on a très souvent un système de combat qui est mis en place comme si c'était ça et uniquement ça qu'on allait jouer dans le jeu. Mais le vrai problème, moi, que j'ai eu, c'était que c'était pas ça que je voulais jouer dans mon jeu. C'est-à-dire que le combat, ça aurait été ce qui restait quand toutes les autres solutions avaient déjà été prises. Mais dans ces cas-là, comment jouer ces autres solutions? Si dans ces cas-là, sur ma fiche de perso, je n'avais que le combat, pourquoi essayer de tester les autres solutions avant? Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment, finalement, un système de combat qu'il me faut? Non, c'était pas un système de combat qu'il me fallait, c'était un système pour résoudre autre chose. Si je puis me permettre, de toute façon, au niveau des jeux de rôle, la façon d'appréhender le combat est toujours à peu près la même, finalement. Ce que je dirais, pour rebondir sur les propos de Fly, c'est que, finalement, effectivement, en voyant une feuille de personnage, on voit tout de suite, en gros, comment interagir au niveau du combat. Je dirais, pour faire une parabole un peu bizarre, on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est-à-dire que une compétence de combat, tout de suite, ça va partir dans le conflit. Et c'est pas forcément le propos de beaucoup de jeux, on va dire. Tu veux dire que le gars qui veut créer un jeu et qui engage, qui met sur sa feuille de perso des caractères de combat, il encourage forcément ses joueurs à entrer dans le conflit, c'est ça? Quelque part. Moi, c'est ce donc que. Ça, c'est un premier truc à dire. Pour, voilà. Alors là, déjà, je vois que le mot était sorti, c'est le conflit, justement, parce que là, on est parti sur le combat, mais aujourd'hui, on va parler de conflit. Mm-hmm. Le combat est une forme de conflit. Je pense qu'il y a certains auteurs. Alors, j'ai pas d'exemple en tête. On va commencer par une définition, peut-être. C'est que je trouve qu'il y a des gens, des auteurs, qui ont créé des jeux de rôle qui avaient des besoins qui étaient hors combat, et en fin de compte, on trouve que le système de conflit, c'est que les combats. D'accord. Mais je pense que ça vient aussi de, quand on a joué à un jeu qui fonctionne bien, on a peut-être envie de reproduire un jeu qui fonctionne bien aussi. Et la majorité des gens qui ont joué à des jeux de rôle traditionnels, le jeu qui fonctionne bien, c'est AD&D, quoi. Et du coup, tu te dis, si je veux faire un jeu qui fonctionne bien, faut peut-être que je copie un petit peu. Et comme, généralement, on n'a pas joué à assez de jeux pour pouvoir trouver autre chose qui marche, on décide de faire un truc qui va un petit peu être comme AD&D ou un jeu qui fonctionne comme ça, et en se disant du coup mon jeu va fonctionner. Exactement. Et moi je pense qu'on pourrait peut-être commencer ce podcast par un petit point historique en fait. Qu'est-ce qui s'est passé en fait au tout départ? Il faut voir qu'à la base le jeu de rôle c'est quand même un jeu de plateau. Enfin, un jeu de plateau, un jeu de figurines. Et puis à un moment donné, on s'est dit tiens, le décor, on pourrait donner à un type on pourrait donner à un type le rôle de décor. C'est lui qui décrirait le décor pour nos campagnes et nos armées, etc. Donc on est parti d'abord historiquement. Le jeu de rôle s'oriente autour de résolution de conflits guerriers. Est-ce qu'on est tous d'accord autour de la table pour dire ça déjà? Donc, déjà, historiquement, il y a une importance du combat dans le jeu de rôle. Déjà, premier point. Que je dirais que ce soit en combat singulier ou finalement en combat de masse. Comme je dirais en combat d'escouade. Progressivement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a abandonné le plateau, enfin la table, les figurines, on a tout abandonné, puis finalement on a fini par jouer que ces guerriers confrontés à ces décors. C'était une façon de briser des limites, je pense, à la base. L'impression que j'ai, après, alors, je peux très bien me tromper, ce que je vais dire n'engage que moi. J'ai l'impression que ça a fonctionné comme ça pendant quelques années, et qu'un jour, il y a un jeu qui s'appelle Vampire qui est arrivé, Vampire la Mascarade. Avant, il y a eu un autre révolutionnaire, c'est Cthulhu. C'est Cthulhu qui va briser cette logique-là, en fait. Mais bon, on verra. Mais du coup, les gens se sont rendus compte qu'on pouvait jouer autre chose, mais on ne savait pas forcément comment le jouer. Et c'est là qu'est arrivé ce que Christophe appelle le narrativisme à la vanille. Ah, avant ça, il y a un autre terme qui est arrivé, Fly, si je puis me permettre, c'est le roleplay. Ouais, c'est vrai. Ce terme très étrange qui signifie, en fait, à un moment donné, on s'est dit, tiens, mais en fait, il y a du combat, il y a du conflit, il y a des choses, on arrive à faire quelque chose avec ce système de résolution, on arrive à jouer des conflits, des combats. Ça, on comprend bien. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin? Faire une interprétation de notre personnage, lui faire vivre d'autres types d'histoires, pas uniquement des histoires guerrières. Et là est arrivée cette notion du roleplay. On va jouer notre perso, on va l'interpréter roleplay, au sens où on va rajouter quelque chose en plus du combat. Je crois qu'il y a eu ça. Pas forcément. De mon côté, c'est pas forcément pour rappeler des jeux oubliés ou ce genre de choses, ni de faire de l'historique. Mais il y a un jeu aussi, par exemple, qui a pu faire avancer un peu le schmilblick, on va dire, au point de vue du roleplay, comme tu disais. C'est des jeux comme Ambre, où finalement le système de règles était assez simple. Je parle pour le conflit. Grosso modo, si je me rappelle bien, il y a quand même une carac, c'est le combat, ou quelque chose comme ça. Alors en fait, il y a dans mon souvenir, c'est il y a en fait chaque personnage, donc il y a différentes carac. On va par un système d'enchères, chaque joueur de la table va être plus fort dans une caractéristique que dans une autre. Et voilà. C'est un système de comparaison. Je crois que c'est un système de pourcentage. Hein, clairement, plus. Clairement, c'est je crois que c'est basé sur 100. Enfin, peu importe. Mais il y a une chose qui était intéressante dans Ambre, ça me revient, notamment bon pour ceux qui ont lu les livres et autres, c'est qu'on vous dit très bien que au niveau de la carac de combat, la personne, le prince d'Ambre le plus fort, c'est Bénédicte. Mais c'est aussi bien que ce soit en mano-mano, façon de parler, qu'en jouant aux échecs ou un jeu de stratégie. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a du conflit, il est le meilleur. Ah. Du conflit de combat. Du conflit de combat. Mais je suis désolé, est-ce que tu peux appeler un combat physique un combat dans des échecs? Il y a toujours un conflit de combat sur le fait que c'est une stratégie. On va dire que là, dans le combat, on élabore la stratégie, la lecture de ton adversaire. Enfin, je l'interprète comme ça pour Ambre. Mais, enfin, oui, Romaric. Il y a surtout en fait l'idée que on sait pas très bien ce que c'est que le combat dans Ambre. Tu vois ce que je veux dire ? Clairement, mais ce que je voulais dire, c'est vrai que je me suis un peu écarté de ce que je voulais dire sur Ambre, c'est que finalement, sur le point de vue roleplay, je me demande justement si des jeux comme Ambre, notamment, n'ont pas permis ce qui est plus de roleplay, plus de description. Bah moi je pense que vraiment, alors si on continue dans cette analyse historique, je pense qu'après la phase de combat, il y a eu une deuxième phase avec Toulouse qui a été là d'abord et la phase d'enquête. C'est-à-dire qu'on s'est dit ok, on fait du combat très bien avec les systèmes de résolution qu'on a, mais il nous reste et moi j'ai envie de faire de l'enquête, j'ai envie de faire de la murder party en gros, tu vois ce que je veux dire ? Il y a eu ça. Et après c'est vampire et là je rejoins totalement ce que disait Fly avec vampire, on a commencé à rentrer dans une autre dimension qui sont c'est les histoires d'amour etc. Autour de le la système de résolution et ça on il me semble qu'il y a un podcast où on en parle le système de lien de sang, de relation entre les personnages d'humanité introduit une dimension comme ça humaniste, enfin je sais pas comment dire, de relation entre les personnages. Sauf que dans le système de jeu, même s'il y avait 2-3 caracs qui permettaient d'induire ça, il y avait rien qui permettait de gérer en fait ce qui se passait autour de la table. Donc il se passait des choses autour de la table, mais au final c'était un petit peu à la one again quoi. Enfin, ouais, c'était ça. On gérait si le truc. Tu parles de vampire, c'était quand même très très carré au point de vue combat. Oui, mais je parle pas des combats. Combat. Ouais, moi, je parle pas du combat. Tu vois, c'est intéressant. Je parle des parce histoires que, d'amour autour en fait, de la table, justement. Du coup, le fait que le jeu de rôle, historiquement, se soit axé d'abord et avant tout autour du combat, fait que je pense qu'à un moment donné, les rôlistes se sont dit que si leur jeu ne gérait pas le combat physique, ce serait un retour en arrière. Un petit peu comme si, du jour au lendemain, on décidait de faire un jeu vidéo sur PS3 qui utilise des pixels de la NES, si tu veux. J'ai l'impression qu'on s'est dit, si mon système de résolution ne gère pas le combat, étant donné que le premier jeu de rôle le faisait, bah, ce sera un retour en arrière. Et donc, je pense que, historiquement, ouais. Historiquement, enfin, excuse-moi de t'avoir interrompu, entre guillemets, finalement, de ce que je comprends, moi, en discutant avec vous, la vision des choses que j'ai, ce serait finalement, première période du jeu de rôle, ce serait plutôt le côté aventure, finalement, d'aider et compagnie à la quête du donjon et compagnie, enfin, tout le monde connaît. Après, le côté enquête avec Toulouse, éventuellement. Ouais. Et avec Vampire, comme disait Fly et le World of Darkness, finalement, le côté interprétation. Exactement. Interprétation de personnage. Mais du coup, ça explique aussi pourquoi, quand on commence à créer un jeu, peut-être inconsciemment, le premier truc qui arrive, c'est « Et comment je vais faire pour gérer mon combat physique hein ?» Erreur ! Vous ne devez pas penser comme Exactement. Ça. Sauf que la vraie question, c'est pas « Comment je vais faire pour gérer mon combat physique ?» C'est quel genre de combat ou de conflit je vais avoir dans mon jeu ? Parce que ça se trouve, on n'aura même pas de combat physique. Donc en tout cas, c'est vrai qu'on a pas mal détaillé un peu historiquement quel est le conflit. C'est très important. Ça permet de situer quoi. Parce qu'en fait, il y a une marotte dans le milieu du jeu de rôle, c'est cette histoire de réalisme, de simulationnisme, au sens forgé, hein, le simulationnisme. C'est-à-dire de volonté de simuler quelque chose, comme une d'être espèce proche de la réalité. Crédible, d'être proche de la réalité. Et du coup, on a commencé par modéliser le combat, c'est-à-dire des conflits physiques, puis ensuite, on a commencé à modéliser des conflits, on va dire, d'intrigue, avec donc Cthulhu, qui démêle des enquêtes, puis ensuite, des conflits psychologiques. D'ailleurs, Cthulhu, pardon, excusez-moi, c'est vrai que j'ai omis ça, qui est très important, Cthulhu a commencé à aborder les personnages sous un aspect psychologique. Psychologique. Alors qu'avant, donc, tu vois, si j'ose dire, c'est comme un jeu vidéo où on aurait rajouté des add-ons. C'est-à-dire qu'au début, on a commencé, au début, le jeu vidéo ne gérait que le jeu, ne gérait que la physique. Puis ensuite, on a dit, oh, regardez, maintenant, on peut gérer le psychologique avec Toulouse. Et puis ensuite, maintenant, on peut gérer les relations interpersonnages avec Vampire, etc. Et il y a cette idée qu'on progresse de plus en plus vers un jeu de rôle qui simule de mieux en mieux la réalité. Mais ouais, ça, c'était dans un premier temps. Mais moi, j'ai envie de dire qu'il y a une grosse différence entre simuler la réalité et faire quelque chose de crédible. Absolument. Parce que moi, si je simule, alors je sais plus dans quel jeu, je crois que c'est dans Rêve de Dragon, mais je peux peut-être me tromper, la table des accouchements difficiles. Ça, c'est dans... Non. Il y avait ça dans... Rollmaster, mais c'est pareil, c'était un supplément, voilà. C'était plus du gag. Hein. Non, mais au bout d'un moment, en fait, on peut pas simuler avec un jet de dés les relations humaines si on sait juste des compétences. Je veux dire, j'ai beau avoir une compétence relation humaine, si je lance mon jet de dés, j'aurais pas véritablement de façon crédible jouer à la table cette relation humaine. Alors je l'aurais peut-être eu de façon entre guillemets réaliste, je veux dire j'ai mon dé qui m'indique 5, donc ça m'indique comment j'ai géré cette relation humaine, mais je ne l'aurais pas géré à la table de façon crédible. Et je trouve que c'est là qu'on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire dans un jeu. Je dirais aussi ce que tu es en train de souligner comme point, c'est typique aussi de la période 90, je dirais. Du jeu de rôle, c'est-à-dire que soit, comme tu disais tout à l'heure, Rollmaster ou Vampire, ou franchement, quand tu rentres vraiment dans le système de règles, alors pour moi qui suis pas très très friand de règles en règle générale, bon, j'ai quand même sévi sur ces deux jeux-là, et honnêtement, au bout d'un certain temps, t'as l'impression quand même que c'est, désolé du terme, un peu de la sistana. Je m'explique. Tu veux pas réfléchir, c'est bon, il y a des règles pour. C'est peut-être violent ce que je dis, hein, je l'assume. Mais entre guillemets, ouais, la fameuse règle de Rollmaster sur, même si c'est un peu humoristique, mais tu creuses dans le World of Darkness, c'est pareil, que ce soit quand ils ont sorti le supplément World of Darkness Combat, notamment, ou les sous-compétences et compagnie au fur et à mesure où c'était, puis même le côté catégorisé et autres, quoi. Ça, c'est typique des années 90. Ça, c'est important de commencer ce podcast par ce petit retour comme ça. Ça permet d'éviter les écueils qui sont d'essayer de poursuivre une espèce d'histoire comme ça du jeu de rôle en mettant du combat, du machin. Non, non. Ce qui compte, c'est que vous, en tant que créateur, vous fassiez ce que vous désirez faire. Il faut voir que là, avec cette historique qu'on a connue, on vous a montré toutes les outils qui ont été développés pour créer une certaine simulation. Puis on n'a pas parlé après de la phase qui a consisté à dire que les règles, finalement, ça nous faisait chier et que du coup, il fallait en mettre de moins en moins et que ce soit de plus en plus simplifié, légère. Simplifier. Là, maintenant, simplification. C'est, voilà, là, comme disait Rome, avant, on avait peut-être cette habitude de rajouter pour tendre un jeu de rôle parfait. Maintenant, je pense qu'il faut arrêter de faire ça. C'est bien, on a créé plein de choses. Inspirez-vous-en, améliorez-les et faites quelque chose de plus spécifique. Alors, moi, ce que je propose, je pense que ça pourrait être bien maintenant de voir ce qui a pu être fait dans le combat physique, puisque pour certains auront envie de le savoir, mais ensuite d'élargir sur qu'est-ce qu'on peut vraiment faire dans un jeu de rôle. Est-ce qu'il n'y a que le combat physique, quoi. Et justement, c'est pour ça que je veux vraiment arriver dans ce domaine, dire arrêtez de penser combat, mais pensez plutôt conflit. Je pense que là, vous créateurs, en fait. Voilà, conflit élargi. Vous créateurs, quand vous allez faire votre jeu, réfléchissez bien. Est-ce que vous pensez que le combat est quelque chose de primordial dans votre jeu? Et est-ce que vous êtes sûr que c'est le seul conflit qui va pouvoir se produire dans votre jeu? Est-ce que vous êtes sûr que quand vous allez créer votre jeu, en fin de compte, les joueurs, le seul moment où ils vont avoir besoin de s'opposer dans quelque chose, ce sera que pour du combat physique, magique, intellectuel. Peut-être que ça peut aller plus loin. Ça pourrait être un moment, je verrais bien peut-être dans vos jeux, deux personnages qui tombent amoureux d'un PNJ commun, comment vous allez pouvoir gérer pour que ce soit tel PJ qui remporte l'affection de ce PNJ et pas un autre. Alors ça, par exemple, là, on est dans un là, conflit on est vraiment, de cœur. Voilà, un conflit de cœur. Il faut arrêter, virer le combat. Le combat n'est qu'un conflit physique. Et moi, j'avoue, non, faut pas le virer, ça dépend de ce que tu veux faire. C'est pas le combat, c'est un conflit de combat. Mais moi, du coup, j'avoue que pour répondre à ces questions, je sais pas pour vous, mais au début, quand j'ai commencé à créer mon truc, qui est d'ailleurs loin d'être fini, je me suis posé la question quel genre de scène je voulais. Exactement. Parce que du coup, ça m'a aidé à savoir ce que je devais avoir en fait sur ma fiche de perso. Et je me suis rendu compte que dans les scènes que je voulais, il y avait quasiment pas de scènes de combat. J'avais des scènes de rencontre, des scènes de cœur, des scènes de relations. Mais parce qu'en fait, toi, t'es parti, si mes souvenirs sont bons, t'es parti de la littérature fantastique. Oui. Et t'as, enfin, fantasy. Et je voulais aussi savoir quel genre de personnage je voulais qu'il y ait à la table. Ouais, voilà. Et t'as vu, en fait, quel genre de scène était présente dans ce genre de roman. Et selon les archétypes de personnages, voilà, je voulais savoir, selon les archétypes de personnages de cet archétype. Mais dans littéraire. La fantasy, il n'y a pas un peu de baston, quand même. Si, mais c'est pas ce que je, mais si tu regardes bien les Robin Hobb, il n'y en a quasiment pas. Robin Hobb, sur 1000 pages, tu vas avoir 10 pages de baston à tout casser. Le reste, c'est que de la psychologie, c'est des gens qui se parlent, d'accord. C'est des gens qui font de la magie pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde. Il y aura un système de combat, mais il représentera un millième du jeu, quoi. Voilà. En gros. Grosso modo. Voilà, dans la façon ce que tu présentes, c'est que le conflit-combat existe. Oui. Donc tu vas le prendre en compte, mais il n'y a pas que ça. En fait, fin de compte, c'est la goutte d'eau dans l'océan. Mais au final, ça dépend aussi des jeux que tu veux faire. La question, c'est quel genre de scène je veux qu'il y ait dans mon jeu et quel genre de personnage je veux qu'il y ait dans mon jeu. Alors, finalement, si je peux reprendre le truc, pour le conflit, on va dire, je pense qu'il faudrait peut-être éventuellement souligner les différents types de conflits. C'est-à-dire en tant que jeune auteur, donner des grands exemples éventuellement. C'est-à-dire qu'en tant que finalement que jeune auteur, bah je fais mon monde et comment je vais interagir dedans. Alors là, c'est super surtout, dur parce que en interagissant, c'est quoi les possibilités de conflit. Alors on pourrait faire une liste non exhaustive parce qu'en fin de compte, c'est pas simple, c'est tellement vaste. Je suis sûr qu'on oubliera. Tu veux dire quelque chose, Romaric? Moi, je pense en fait que si tu fais ça, tu t'engages sur ce que doit être un conflit. Qu'est-ce qui te dit? C'est-à-dire en fait, si tu dis ça, par exemple, si tu dis qu'il y a des conflits de cœur. Si tu dis qu'il y a des conflits de physique, etc., tu t'engages en fait sur la métaphysique, sur l'ontologie de ton univers. Or ça, tu peux pas le faire en fait, Jeff, parce que si tu fais ça, justement, tu prives l'auteur de sa marge de créativité. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si tu commences à dire, bon bah écoutez, dans votre jeu, vous devez prendre en compte des conflits de cœur, des conflits physiques. Attends, excuse-moi, tu prends le truc à l'envers. C'est pas, enfin, par rapport à ce que je voulais dire, c'est pas à dire à l'auteur de faire ça. C'est justement l'auteur qui se pose les questions. Comme disait un peu Fly Du coup, moi, c'est pas ça que je voulais dire non plus. Je pense que tu m'as mal compris, Jeff. Je pense que quand on gère. Il y a un boulet autour de la table. Non, mais je pense que quand on gère un conflit, la question n'est pas de savoir au final s'il est physique ou pas. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui va être important pour le résoudre. Je prends un exemple, Dogs in the Vineyard. Dogs in the Vineyard, j'adore ce jeu. Voilà. Et de Vincent Baker, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Et en fait, quand tu vas avoir des conflits dans ce jeu, tu vas te servir de ton histoire et tu vas avancer des faits de ton histoire, quels que soient les conflits que tu vas avoir, que ce soit des conflits verbaux, des conflits de cœur, des conflits physiques. Tu vas avancer avec avec des dés, tu vas avancer des faits. Et au final, c'est les faits de ton histoire qui vont te permettre de faire des choses, des traits de ton histoire qui vont te permettre de faire des choses. Pour remporter le conflit, quel que soit le type de conflit. Exactement. Et donc là, ce qu'avance Vincent Baker est clair, c'est peu importe le conflit, c'est ton histoire, la nature du conflit, c'est ton histoire qui te permettra de la résoudre. Par exemple, je te donne un exemple, Jeff, pour éclairer, et puis pour les auditeurs aussi qui ne connaîtraient pas Dogs in the Vineyard. Si tu as le trait « je suis colérique », d'accord, par exemple, tu peux t'en servir aussi bien au cours d'un conflit physique, aussi bien au cours d'un conflit psychologique. C'est-à-dire dire, bah voilà, je me sers de ma colère pour faire plier l'autre, la volonté de l'autre. Et même dans un conflit de cœur. Dire, bah voilà, je vais me servir de ma colère pour impressionner l'autre et pour qu'elle tombe amoureuse de moi, je ne sais quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, dans tout type de conflit. Clairement. Alors là, je viens de t'en citer trois. Mais il y a des conflits dont on ne soupçonne pas encore l'existence, Jeff. C'est ça, en fait, la vraie clé. Et ça dépend de ce que le joueur de jeu va vouloir faire. C'est selon ce que le créateur de jeu voudra exprimer dans son jeu, c'est à partir de là qu'il va pouvoir monter un système de conflit. Bah, en gros, tu viens de résumer ce que je voulais dire. D'accord. Ouais, c'est bien. Merci Flavie pour ce résumé. Fly, tu parles de Jeff, c'est très bien. Donc, ça me rappelle une petite anecdote de Monsieur Fall qui disait que le mâle ne comprenait pas, mais la femelle le comprenait bien. La femelle comprend drôlement bien les mâles, dis donc. Donc, voilà. C'est bien, on parle donc effectivement de conflit, alors j'espère que ça va éclairer, mais je pense que nos auditeurs là sont en train de se dire, mais pourquoi ils se prennent la tête de conflit? À quoi ça sert en fin de compte que je gère le conflit? Donc moi je vous pose cette question, c'est bien beau de parler de conflit, de dire qu'il existe différents types de conflits, mais à quoi ça sert exactement? Est-ce que vous avez une idée? Alors, j'ai une idée. Vas-y, pour répondre Romaric. À ta question. Je pense que déjà il faut se poser la question de quand a lieu un conflit. Un conflit a lieu lorsque deux joueurs autour de la table... Et même avec un PNJ. Bah, deux joueurs. Donc, à mon avis, s'il y a un PNJ, c'est qu'il y a un personnage qui le joue. Il y a quelqu'un qui l'interprète. Voilà. Donc, c'est quand lorsque deux volontés autour de la table, deux joueurs autour de la table, ont un enjeu, ont un objectif qui entre en conflit, c'est-à-dire qui s'oppose. Oui, mais en quoi le système a je veux manger la tarte, tu veux manger la tarte, on pourra pas le faire en même temps. Il y a ton exemple de toujours, conflit. Thomas, je veux ouvrir une porte. La porte est fermée, je fais comment? Voilà, là, c'est ça. Finalement, Tom, c'est quoi? C'est un personnage, on va dire, qui se retrouve à résister à une adversité. L'adversité, que ce soit un autre joueur, exactement. Un PNJ, une porte, voire même un plateau de jeu. On a des jeux de société, des jeux de plateau, comme les chevaliers de la table ronde. En gros, le conflit, ce serait gérer l'adversité, quoi. C'est gérer l'adversité, l'antagonisme aussi, quelque part. C'est une forme. Maintenant, j'ai juste à dire, surtout, c'est que. Pourquoi le conflit? C'est ça la question que tu poses. C'est pas le conflit, c'est quel est l'intérêt? Justement, c'est bien beau de dire, on parle du conflit, c'est bien de le gérer, mais enfin, pourquoi ça doit être marqué dans ma base que, quelqu'un veut faire une vidéo, pourquoi je dois mettre des règles? C'est ça que je vous pose comme question. C'est bien d'en parler. Quel est notre intérêt de parler du conflit que je dois mettre dans ma base que je dois le gérer? Je dirais l'impartialité. Vas-y, Flavie. J'ai coupé Flavie. On va faire Flavie, on passera à Jeff après. On va faire un tour de table. Alors, un tour de table. Levons-nous courons. Non, je pense que tout simplement, si on met pas ça dans le jeu, dans ces cas-là, on compte encore sur les interactions habituelles autour d'une table pour avoir des règles implicites pour pouvoir gérer ce qui va se passer. C'est-à-dire que quelle que soit la table, on n'aura jamais la même partie. Là, mettre noir sur blanc comment on gère les conflits, ça veut dire qu'on a réfléchi à ce qu'on voulait avoir autour de la table. Et du coup, quel que soit ce qui se passera, il y aura des façons de pouvoir le gérer. On ne se retrouvera pas à devoir se dire « Oh, alors là, c'est pas marqué, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Pour résumer, tu dis que le fait de le mettre dans la base va permettre de faire un commun d'accord entre tous les joueurs pour dire que dans cette situation, c'est lui qui gagne parce que dans les règles, c'est marqué. Oui. Et c'est pas, oh, le MJ est plus sympa avec lui plutôt qu'avec un autre. Exactement. C'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est l'impartialité. L'impartialité. Tu penses que par le biais des règles, vu que c'est écrit dans la base qui est pour beaucoup de rôlistes, la Bible du jeu, en fin de compte, on remettra pas en cause ça. Si c'est marqué noir sur blanc sur le papier, aucun joueur va dire « Ah, t'es salaud, MJ, de privilégier lui plutôt que moi. » D'accord, donc ce que tu veux dire, c'est que le conflit, finalement, est un vecteur d'apaisement des tensions autour d'une table entre les joueurs. Quelque part, oui. Parce que c'est ce qui va permettre, en fait, aux joueurs de résoudre... Oui, puis c'est pas uniquement ce que j'ai dit. J'ai dit aussi que ça permettait d'avoir le même genre de partie, quelles que soient les tables. C'est-à-dire que si on a réfléchi au genre de conflit qu'on voulait... Ouais. Ça, va être ça prend aussi en compte une ontologie du jeu. Ça prend en compte une ontologie du jeu. Et du coup, on sait quel genre de partie on veut avoir autour de la table. Est-ce que ça va être des conflits politiques? Exactement. Bah, si tu mets en place un système de résolution qui encourage les conflits politiques, tac, tu sais qu'à chaque table. Et du coup, à chaque table, on aura à peu près le même genre de partie. Donc là, on a vraiment un rapport de transmission qui est que quand le créateur il a écrit son jeu, il sait que s'il passe à n'importe qui qu'il connaît pas et qu'il lit la base, il refera exactement le même type de scène. Exactement. Jeff, t'avais quelque chose à préciser ? Non, mais c'était ça. C'est-à-dire l'impartialité, histoire d'avoir la paix, façon de parler face à certains joueurs qui peuvent être chiants, n'est-ce pas ? Ah non, désolé. Les gens sont jamais chiants. Les joueurs sont chiants si les règles ne sont pas assez bien marquées. Il est normal que le joueur se pose des questions. Non, clairement. Et tout de suite. Mais c'est vrai. Bon, je l'ai bien cherché. Si les règles ne disent pas comment jouer, il est normal au bout d'un moment que t'as un joueur qui dise j'ai envie de faire ça, il y a rien qui l'interdit. Mais c'est pas dans ce sens-là ce que je veux dire. Dans le côté les joueurs un peu powerplay et compagnie qui vont chercher à transgresser les règles et compagnie, à maximiser et autres. C'était plus dans ce sens-là. D'accord. Donc là, c'est vrai qu'on est sur une forme de joueur spécifique. Donc tu penses qu'en fait, les conflits permettent de canaliser les aspirations contradictoires que pourraient avoir des joueurs autour de la table. Donc en fait, finalement, t'es assez d'accord avec Fly. C'est exactement. De toute façon, je parle de Jeff aujourd'hui, je crois. Ouais. J'ai l'impression, oui, que comme ça, tout le monde s'entend sur ce. S'il y a des conflits clairs sur un domaine particulier, il n'y aura pas de conflit entre les joueurs. Il n'y aura que des conflits entre les personnages. Et ces conflits feront avancer l'histoire. C'est super technique, hein. Effectivement, mais je crois que c'est un peu le sous-entendu de pas mal de tables à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a vraiment un problème du minimaxeur? Le minimaxeur, il a sa place dans des jeux comme AD&D. Hein. Oui, voilà, exactement. Non, mais je suis d'accord. Mais ce qu'on appelle le problème du minimaxeur en général, c'est le joueur qui entre en contradiction avec le reste de la table dans la mesure où lui, il est dans une démarche de faire du minimaxage, de l'optimisation, alors que les autres sont plus plutôt là pour vivre une histoire d'amour ou je ne sais quoi. Oui, mais là, tu vois, si les règles de conflit sont vraiment bien mises, eh bien ce joueur minimaxeur saura que ce jeu qui est fait pour faire des histoires d'amour n'est pas pour lui. Exactement. Alors c'est simple, maintenant pour répondre, je me tourne vers Fly. Non mais clairement c'est ce que je voulais dire. Toi Romaric, de ton côté, quand tu as écrit Sens, tu t'es posé cette question, dire quel conflit je vais mettre en place dans mon jeu. Avoir cette pensée de conflit t'a permis de t'aider à écrire ton jeu? De cette pensée de conflit là, eh ben absolument pas. Parce que moi, tu as trouvé une autre méthode. Non, bah ouais, moi je suis parti d'un point totalement différent. Mais d'abord, avant de répondre à cette question-là, je voudrais d'abord répondre à ta première question, parce que moi, j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer. Je pense que pourquoi est-ce que les conflits pourquoi des conflits? C'est parce qu'en fait, déjà, ça correspond au schéma narratif du roman et des histoires que se racontent les êtres humains en général entre eux. C'est-à-dire que déjà, qu'est-ce qui se passe dans un schéma narratif ordinaire? On a un protagoniste qui est confronté à un événement perturbateur. Et une succession d'événements perturbateurs, enfin pas d'événements perturbateurs, de péripéties. Qu'est-ce que c'est que péripéties? C'est un conflit que le héros va surmonter en fait, un conflit avec l'univers, un conflit avec un système social. Des épreuves, exactement. En gros, ça va dynamiser l'histoire. Le schéma narratif, c'est toujours le héros, les adjuvants, les assaillants, etc. Quoi. Et étant donné que le jeu de rôle vise de toute façon à la création d'une histoire, quelle qu'elle soit à plusieurs, il est nécessaire qu'il y ait des conflits. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de conflit, on n'entre pas dans un schéma narratif en fait, dans aucun schéma narratif. Voilà. Imaginez 24 heures chrono, Jack Bauer qui part en mission et qu'en fin de compte il trouve pas de bombe, il trouve pas de terroriste et puis il rentre chez lui. On peut imaginer un jeu de rôle dans lequel le but c'est simplement de faire une belle description d'une armoire à la Balzac, c'est-à-dire t'écris machin truc. Mais du coup, il y a pas d'intrigue, c'est-à-dire que c'est juste, en fait c'est ce qu'on appelle faire une création à plusieurs, un travail d'écriture à plusieurs. Mais c'est pas, il y a pas de conflit dans cette. Est-ce qu'on reste dans du jeu de rôle? Est-ce qu'on joue un rôle à ce moment-là ou est-ce qu'on n'est pas juste le créateur en train de faire le décor? Est-ce qu'on peut parler de rôle s'il n'y a pas à un moment donné des conflits à dépasser? Jeff, je sens la main fébrile. Effectivement, le combat en général, c'est un peu mon violon dingue. Mais ce que je dirais, sans faire de la philosophie de comptoir, le problème, c'est le propre de l'homme quand même, la guerre, le combat et autres. Et c'est quand même quelque chose qui revient. En s'opposant. Bah, tu dis ça, mais hier soir, on a fait un jeu, on n'a pas combattu à un seul moment. Parce que sur ce scénario-là, je cherchais pas à rentrer véritablement dans le conflit. Ou éventuellement, ce que je dirais, le conflit de face down. C'est-à-dire ce qui a pu se passer avec toi, Tom. C'est-à-dire que ça a été un duel de face à face, de regard, de parole. Alors attendez les gars, parce que là, les auditeurs n'ont pas vu notre partie ni rien du tout. Donc, clairement, pour faire simple, Tom est tombé face à un PNJ. PNJ, certes, plus puissant. Et je pense que j'ai plutôt essayé de t'intimider. C'est peut-être pas ce que tu as ressenti. C'est un conflit, ça, les gars. Voilà. On est en plein conflit. C'est ce que j'appelle un conflit. Mais il y a un conflit. Mais là, parce qu'il parlait de combat, il disait que c'est dans l'exemple de la guerre. En question. Non, mais l'agressivité, c'est ça aussi que je veux retranscrire. Mais on a ce conflit-là. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que le jeu qu'on a fait ne propose pas de système, de règles pour gérer ce type de conflit, puisque après tout, la seule gestion qu'on avait, c'est un conflit de combat. Toi, tu ne vois pas l'intérêt de lancer un combat parce que ton but, c'est pas que j'essaie de m'en sortir ou pas, c'était de mettre une tension au niveau narration. Donc la facilité a été, je passe ça, désolé de faire ça à ton personnage, mais bon, voilà l'émotion que j'ai envie de te donner. Je suis désolé, je vais ressortir à nouveau Dogs in the Vineyard. Vincent Baker! Je suis désolé, au niveau du système de jeu, je trouve que c'était bien pour marquer aussi une tension. Et je pense que la tension qui monte, faut aussi se poser la question de savoir si vous voulez que le conflit, il arrive d'un seul coup comme un cheveu sur la soupe et qu'on doive le résoudre, ou est-ce que vous voulez voir sur votre fiche de perso le conflit qui monte, et dans ces cas-là, comment je fais pour le montrer? Est-ce que je rajoute à chaque fois un petit jeton sur la feuille? Est-ce que j'ai un dé que je tourne pour indiquer la tension qui monte? Est-ce qu'il y a des choses que vous allez vouloir faire? Je fais allusion ici au principe d'escalade dans Dogs in the Vineyard. Donc pour les auditeurs, rapidement, résumé, parce qu'il faut expliquer, sinon on ne comprend pas, c'est que le conflit dans Dogs in the Vineyard commence d'abord par être un conflit oral, une joute verbale. Et il y a un principe qui fait qu'au bout d'un certain moment, chaque joueur a le droit d'escalader, c'est-à-dire de monter en violence dans le niveau du conflit. On passe d'un niveau moral, un niveau oral, à un niveau physique, où là, on va carrément imposer notre valeur et nos valeurs et nos idées par la force physique. C'est ça que tu veux dire? Oui, mais du coup, ça pose la question, je trouve, dans les jeux, de la montée de la violence, qu'elle soit physique, morale ou autre chose. Si vous voulez que les conflits ne passent pas directement du stade tout va bien à on se passe dans la gueule, est-ce qu'il n'est pas intéressant, selon ce que vous voulez faire, de marquer cette montée ? Ça me fait penser à Final Fantasy VII, tu sais, le moment où on se balade dans la rue, tout va bien, et là... Il y a le Jeff là, ça fait un petit moment que je vois la main levée, je crois qu'il a quelque chose à dire. Le principe de tension là, donc moi personnellement le jeu là que vous citez depuis tout à l'heure, je ne le connais pas. Bah, par contre j'irai volontiers jeter un œil. Honnêtement, quand tu dis la tension Fly, moi je trouve que déjà c'est le début du conflit. Ça, oui, c'est mais justement, c'est ça le clairement truc. Ça. C'est le début du conflit, la tension. Mais jusqu'à quel point on peut la faire monter ? Est-ce que là, c'est la question en fait. Ouais. Est-ce que c'est intéressant clairement, pour je certains pense que jeux ou pas ? C'est ça que je voulais dire aussi. C'est le début du conflit, mais clairement, est-ce que c'est quelque chose où on a besoin de stratifier, de légiférer. Ça dépend ce que tu veux faire. Là, on revient. C'est quelque chose qui est quand même assez roleplay. Ouais, non, mais pas forcément. Ça dépend ce que tu veux faire dans ton jeu. Là, le but de jeu là, c'est de bien montrer que plus on escalade, plus on va dans la violence, plus on dépasse des limites. Là, dans ces cas-là, dans ce jeu-là, c'était très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu vas dans l'escalade, tu peux plus en revenir. Voilà. En fait, ce que je veux dire, Jeff, je pense que Flavie l'a dit tout à l'heure en début de podcast. En fait, le conflit va servir ce que l'auteur veut présenter dans son jeu. Donc, je pense dans un jeu, on va dire, de combat à la ADD, le seul intérêt, on va dire, du combat, c'est de savoir qui gagne, qui perd. On n'a pas besoin d'escalade. Dans Dogs in the Vineyard, le but du jeu, c'est de montrer cette escalade. Donc, il a mis cette mécanique dans ce conflit de façon à montrer que, au début, tu commences avec des mots, et bizarrement, quand tu vois que les mots passent pas, eh ben, tu vas au physique. Pour imposer ton opinion. Donc tu vois, tout dépend de l'attention du jeu. C'est ça à quoi servir le conflit, à quoi va servir pour votre création de jeu, c'est que ça va vous permettre de montrer exactement ce que vous voulez faire et d'orienter la partie sur toute l'étape possible. Je crois que tu as posé la vraie question. À quoi va servir le conflit dans le jeu ? Posez-vous cette question-là, parce qu'à partir de là, vous n'aurez pas la même façon de le traiter. Finalement, si je puis dire, c'est clairement pour un créateur de jeu qui se pose cette question-là, je pense que les deux questions, je vais être cash là-dessus. Ah, vas-y. En gros, ça va être finalement identifier les différents types de conflits et surtout comment les gérer. Comment je suis pas d'accord avec voir. Identifier les différents types de conflits. Je pense pas que ce soit comme ça qu'il faut que tu le vois, Jeff. Parce donc, que tu peux pas Fabie. Identifier les différents types de conflits en fait. Il y aura toujours des conflits auxquels tu n'auras pas pensé. Moi, je crois vraiment que la question, c'est à quoi ça va servir un conflit. C'est ça pour moi la vraie question. C'est peut-être pour ça qu'on bêta teste aussi quelque part. Voilà. Moi, quand je crée un jeu, quand j'ai créé Mao Shoujo, j'ai vraiment réfléchi à quels différents types de conflits vont être présents dans Mao Shoujo. Une fois que j'ai identifié les différents types de conflits, je suis sûr que j'en ai oublié, j'ai regardé celles qui vont servir dans l'idée que je veux faire de mon jeu. Donc, qu'est-ce type de scène je veux avoir? Donc, tu vois, tu listes un peu. Moi, j'ai listé les conflits à peu près. Je me dis, ça m'intéresse. J'ai mis des conflits de combat. J'ai dit, quand tu ça dis m'intéresse. J'ai listé les conflits, c'est comme quand moi je dis au début du podcast, j'ai listé les scènes que je voulais en fait. Voilà, toi t'es parti sur les scènes. Moi, je suis d'abord parti sur des conflits qui vont être présents et ensuite j'ai fait les scènes. Vas-y, Jeff. Ce que je veux dire, c'est encore une fois un truc très con, mais que pour les créateurs de jeux et compagnie, qu'ils soient jeunes ou des vétérans, qui n'hésitent pas finalement, je le rappelle, à bêta-tester. C'est pas la peine non plus de rester dans son coin à réfléchir forcément à cette question-là en listant ce que je dirais Fabien, il faut jouer à plein de jeux pour voir ce que ça donne. Et en plus, il faut quand même, de toute façon, tester ces jeux. Il ne faut pas trop les tester non plus. Je pense qu'il y a des créateurs qui passent du temps à tester énormément leurs jeux, à essayer de l'optimiser à mort, et en fin de compte, ils perdent peut-être. Ouais, il faut rappeler aussi pour le conflit qu'un principe qui est intéressant qu'on appelle nous sur Silent Drift le principe de Shege, qui est l'auteur de My Life with Master. Et donc ce principe dit qu'en gros si tu gères toi-même, si un joueur gère son adversité et la manière de résoudre cette adversité, il s'emmerde. C'est-à-dire qu'en gros, si c'est moi-même qui me mets mes propres obstacles, je me fais chier. C'est-à-dire que je m'amuse pas à dépasser les propres difficultés que je m'impose. Donc, ça veut dire que le conflit dans un jeu doit nécessairement avoir lieu entre deux joueurs autour de la table. Que le joueur soit le MJ ou un autre. Que le joueur soit un l'animateur de la partie ou pas. Mais ça, c'est intéressant. Parce que clairement, si tu dis, oh, bah, j'arrive devant une porte, oh, bah, je casse la porte et je passe. Ce sujet est nébuleux au possible. Ah, mais c'est énorme. C'est une merde à organiser. Il y a plein de choses. Jeff, tu voulais dire quelque chose? Pardon, excuse-moi. Finalement, je dirais, c'est même plus, enfin, on peut dévier très rapidement sur ce que je dirais. Enfin, ce que j'appellerais l'antagonisme, finalement. Ouais, exactement. C'est-à-dire l'adversité, l'antagonisme. Ouais. Parce que il y a aussi un autre truc classique, mais qui est savoureux dans une partie de JDR, c'est quand même le grand méchant, on va dire. Ou l'adversaire typique, récurrent, qui revient. Je l'ai vécu à maintes reprises sur des campagnes. C'est toujours savoureux. Le mec qu'on va aimer à détester. On va l'aimer à détester. Enfin, ça dépend du genre de jeu que tu fais, mais ça dépend. Voilà. Mais c'est un truc assez souvent. C'est un truc peut-être dans le JDR trad, certes. Non, dans certains types d'histoires. Tout dépend ce que tu mets comme intention. Je pense que c'est pareil. Je pense toi, Jeff, t'as une habitude de certains types de jeux et t'as peut-être certaines voies du jeu de rôle que tu n'as pas explorées. Donc, je pense que tu es dans un schéma classique de faire des jeux où il y a du combat, il y a de la campagne, il y a de la grande aventure. Ouais, clairement. Voilà. Clairement. Est-ce que t'as déjà joué à un jeu où, par exemple, le relationnel, c'est ce qui est présent. On vire le combat. Le conflit, c'est la relation. Dire d'avoir deux joueurs qui se battent pour une chose, mais d'un point de vue émotionnel. Est-ce que t'as déjà joué à des jeux comme ça? Pas assez suffisamment à mon goût. Comment il s'appelle déjà ce jeu où tu joues une petite fille avec sa famille? Clover. Clover, quoi. Clover, tu essaies d'attraper des papillons, tu vas manger des gâteaux avec tes copines. Bon, moi qui suis très shoujo, j'ai beaucoup aimé, quoi. Et honnêtement, l'adversité, je fais comment pour couper le gâteau? Je suis une petite fille, j'ai pas le droit d'utiliser mon couteau. Voilà. Vas-y, Jeff. Clairement, on va dire autour de cette table, on va dire, je représente quelque chose, finalement, tu disais, plus classique. Voilà, tu es, voilà. En gros, un ce que je, j'essaie de dire, c'est que, effectivement, les jeux que vous citez, franchement, même, pour le coup, me plaisent bien. Je vais les jeux vraiment jeter un œil. Parce que c'est des points que j'avais pas forcément pensé. Mais, faut pas oublier, je dirais, le côté trad ou classique, comme tu dis, où effectivement, des fois, c'est quelque chose de simple. Comment gérer un combat, comment gérer un face-à-face, que ce soit au niveau de la répartie. Alors, ce genre de choses. Déjà, on peut dire quelque chose sur le jeu de rôle traditionnel, là, à ce niveau-là. C'est que le conflit entre le jeu de rôle, dans le jeu de rôle traditionnel a régulièrement lieu entre le MJ et les joueurs. Les tables où les joueurs doivent se friter entre eux, soit ne fonctionne, souvent ne marche pas, on est obligé de séparer la table, on est obligé de faire. Je prends ton exemple, par exemple, Thomas, quand tu jouais à Vampire à Saint-Malo, où les gens, le but c'était de jouer vraiment à Vampire d'une manière assez réaliste, si j'ose dire, dire et de se faire des coups de pute. Voilà, ce genre de table, par exemple, split forcément. Donc, généralement, le conflit qui a lieu dans un jeu de rôle traditionnel, il a lieu entre le maître de jeu qui est là pour jouer l'adversité, hein, le décor, l'adversité, les PNJ, le grand méchant, comme tu dis parfois, et voilà, et les joueurs. Déjà, ça, il faut le dire. Il y a un truc dont on n'a pas parlé encore, si je puis me permettre, à moins que tu aies autre chose à rajouter là-dessus, Jeff. Non, clairement c'est non. C'est le fait que le conflit, souvent dans le jeu de rôle, est binaire. Je rate, je réussis. Voilà. Alors ça, moi, c'est un truc que je voudrais dire aux créateurs de jeux, c'est que il existe aujourd'hui beaucoup de jeux qui ne font pas ça et qui proposent en fait finalement toujours des victoires grises. D'accord. C'est-à-dire, un peu. Alors, il y a deux types. Il y a par exemple il y a la victoire noire. Celle de Ben Lehman dans Polaris par exemple, donc un jeu où on joue des guerriers du Grand Nord devant défendre leur nation, qui vivent des drames. Et donc dans ces cas-là, quand il y a un conflit, t'es obligé de le perdre quelque part. Tu vas le réussir, oui, mais si et seulement si tu vas briser ton épée qui appartient à ta famille depuis des générations. C'est-à-dire chaque fois que tu veux gagner un conflit, perdu, moi, il faut que tu sacrifies. En fait, dans le jeu, c'est que quand un joueur va vouloir faire une action, on va dire voilà, je fais telle action, par exemple, je vais récupérer une épée. Ouais. Il y a un autre joueur qui va correspondre à son adversité en face de lui qui va lui dire ok, tu récupères cette épée. Si et seulement si, tu perds ta main gauche. Tu perds ta main gauche. Donc là, le joueur a le si choix et à dire. Si seulement si, lorsque tu la récupères, tu perds ta femme. Vas-y, Steph. Attention, clairement, non, mais je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Le truc, c'est, tu me dis donc Polaris. Polaris de Ben Lehman. C'est pas le jeu de sous-marin. C'est okay. Polaris de Ben Lehman. C'est un autre jeu, Ben Lehman. Et donc, du coup, si tu veux, dans ce cas-là, le conflit, lorsqu'il est résolu, résolu te fait forcément perdre quelque chose. Donc c'est une victoire sombre. C'est-à-dire, ok, tu gagnes, mais tu perds tellement à côté, c'est tragique. Et le but, du jeu de Ben Lehman, de Polaris, c'est de jouer une tragédie. Et donc on voit donc que l'idée de conflit dans ce jeu sert à toujours desservir le joueur. Au sens où, ok, il réussit, mais il est toujours happé par la tragédie. Pas à la le fin, joueur, il... le personnage. Oui, le personnage, excuse-moi. Le personnage. Tu as tout à fait raison de me reprendre, Thomas. Exactement, le personnage. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est que, du coup, c'est une tragédie. Parce que les conflits ne peuvent pas être résolus de manière positive. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu as les conflits qui vont être gris. C'est-à-dire où tu réussis. Ok, tu réussis à gagner, mais bon, t'as un petit peu perdu. On sait pas. Il y a ce qu'on appelle un système de retombée. C'est le cas de Dogs in the Vineyard. Dans lequel, il n'y a pas, à la fin du conflit, quand tu lances les dés, c'est pas je rate ou je réussis. Non, c'est pas ça. C'est je réussis à convaincre mon adversaire sur certains points, mais lui, il réussit à me convaincre sur certains autres. Et donc, au final, le conflit provoque une friction qui fait perdre aux deux leur force. Voilà. Quoi. Pas je dirais qu'il y a même une autre forme que j'ai trouvé. Bon, c'est plus sur la réussite ou sur l'échec qui est la prise de narration. Je dirais que moi, on a vu quand même pas mal de jeux où quand le joueur réussit son jet, c'est lui qui décrit. Donc en fin de compte, il prend le pouvoir sur une forme de narration, et il y a une autre que quand j'échoue, je laisse la liberté au MJ. Ça, Thomas, c'est encore un autre type de conflit. Là, on continue. On en a plein. C'est la différence entre des conflits entre les personnages et des conflits entre les joueurs. Et là, la distinction est très ténue. Parce que lorsqu'on dit que le personnage veut récupérer le trésor, qui veut récupérer le trésor? Est-ce que c'est le joueur? Est-ce que c'est le personnage? On ne sait pas très c'est bien. C'est les deux. Enfin, c'est un peu les deux. C'est ça le problème. Bon. Mais en tout cas, il y a des conflits entre les personnages, clairement. Et il y a des conflits entre les joueurs. Lorsqu'il y a un partage de narration, lorsqu'on est en conflit pour la narration, on peut se poser la question. C'est un conflit entre joueurs, entre joueurs, carrément. Je sais pas. Qui c'est qui parle? Qui c'est qui contrôle? Alors, est-ce que cette distinction vaut? Je pense qu'il y a des moyens, il y a un moyen de cette distinction entre le conflit entre personnages, conflit entre joueurs, il y a moyen de la faire sauter. Mais je pense que des conflits, il y en a encore plein d'autres. Ouais. Qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas découvert. Exactement. Parce que, il y a moyen de faire. Mais tout ça, vous voyez, on a plein de conflits. À quoi sert, en fait, en gros, de parler de ces conflits-là? Je pense qu'il faut arrêter de partir sur l'idée qu'il n'existe que des combats. Il y a plein de choses à explorer. Donc vous, en tant que créateur, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire et vous allez voir que ce discours qu'on a sur les conflits, mais ça va vous aider à rendre un jeu puissant. Je peux citer un Vas-y, Romaric, cite. Et Prosopopée de Frédéric Sintès propose un jeu. Donc c'est un Frédéric propose un jeu dans lequel il n'y a pas de combat physique possible. Il y a la violence est interdite. Point. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être violent. Mais par contre, il y a des conflits. Il y a des conflits entre les forces de la nature ou les forces métaphysiques de l'univers, donc l'harmonie, le vide, les animaux, etc. Et ce qu'on appelle les peintres, qui sont les médiums, pardon, qui sont les personnages qui évoluent à l'intérieur de l'univers proposé. Donc tu vois, là, il y a un conflit, mais il y a interdiction carrément de conflit physique. Il a banni le combat, et avec le conflit, il a dynamisé la partie de façon à la rendre intéressante. Donc le conflit est quelque chose de très important. Je pense pas que en tant que créateur on puisse passer à côté. Il faut se poser la question de quel conflit je veux dans ma partie. Est-ce que tu dirais que le conflit est nécessaire? Donc du coup, on est nécessaire. Donc par rapport au point que je disais tout à l'heure, le conflit de nommé adversité, il est forcément là, enfin dans une partie, puisque de toute façon on a besoin qu'il y ait un élément perturbateur qui arrive auquel on va pouvoir réagir pour que la partie avance. Donc c'est ça. Donc finalement le conflit est nécessaire, avec aussi ce principe de Shégué qui est que si pourquoi est-ce que le principe de Shégué vaut? C'est parce que si on gère son adversité, il n'y a pas de conflit parce qu'on résout directement. Donc, sans conflit, on se fait chier. En gros, c'est ça que ça veut dire. Je pense que sans conflit, on se fait chier. Jeff, j'ai l'impression qu'il veut rebondir. C'est par rapport à tout à l'heure, comme je le disais, le conflit, ça fait partie de la nature humaine. Alors, même si c'est pas attention. Oui, mais quand tu dis ça, tu t'avances déjà sur ce que doit être un jeu. Attention, justement, je vais y répondre. Par rapport au canon d'un jeu, effectivement, faut pas oublier. Comme dont vous étiez en train de citer Tom et Rome, le fait que le personnage est contrôlé par un joueur. Oui. Donc forcément, ça va impliquer. Je vais pas être catégorique non plus, mais ça risque d'éventuellement proposer des conflits quelque part. Voilà. Je pense qu'il y en a des conflits. Moi, je trouve, tu vois, par exemple, dans des bases qu'on a pu voir dans le commerce, on te propose généralement un univers, un système de combat. T'as l'impression que les auteurs, quand ils ont créé le jeu, le seul conflit qu'ils ont vu, c'est le combat, et le reste, ça n'a pas d'importance. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des MJ qui bossent pendant des jours sur des jeux, retravaillent des jeux pour dire « Attends, moi, je vais mettre des règles parce que ce qui m'intéresse dans ce jeu-là, j'adore l'univers, mais je trouve qu'il manque tel type de conflit. » Donc, en fait, Thomas, si tu nous proposes d'enregistrer ce podcast, c'est pour dire aux créateurs de jeux « Ok, il y a le combat. Si vous voulez faire un jeu sur le combat, il sera important, mais ne faites pas que ça et ne vous contentez pas de faire ça. » Alors voilà, je dis pas « Ne faites pas que ça. » Parce que si après tout son jeu c'est que le combat qu'il veut faire, je veux bien, mais imaginez que vous pouvez peut-être aller plus loin. Autre chose, moi je trouve que on a eu des podcasts, mais je me souviens plus des auteurs en question, mais on a eu des podcasts sur la cellule que j'ai écouté parce que moi je n'y avais pas participé. On se trouvait que quand les gens parlaient de leur jeu, ils disaient ça c'est important dans le jeu, telle caractéristique est importante dans le jeu. Quand tu lis la base, bah ça on le ressent pas. Donc en fin de compte les gars ils se disent ça c'est bien, on le veut, mais après tout le système c'est pas grave s'il le gère pas. Tu peux citer, je pense que là, je me souviens plus, je crois que c'est les gens d'Esteren. Dans les zones d'Esteren, il y avait ça. J'avais ressenti la même chose dans Théocalli, Théocalli avec le système de tabou. C'est vrai que vous avez décrit que le tabou était quelque chose d'important, mais en fin de compte, j'ai pas trouvé que le système donc le faisait. Je pense que si on met les... Voilà, attends, Jeff voulait dire quelque chose. Tire après, Romain. Ce que t'essayes de dire, Tom. Si. Ouais, bah vas-y, essaye de voir. En gros, finalement, t'es en train de dire aux auteurs, c'est pas la peine de mettre du combat dans votre jeu, s'il n'y en a pas besoin. Voilà. Si dans, à la base, c'était pas dans votre idée. C'est ça? Ah oui, non, c'est ça. C'est, ne faut pas rester dans un carcan qu'on voit d'habitude, qui est un jeu de combat, alors qu'en fin de compte, le combat voulait pas. Je pense qu'il y a des gens qui doivent utiliser le combat. Ils en veulent pas, ils mettent quand même des règles, et en fin de compte, on va dire, c'est meurtrier pour pas que ça se joue. Alors, dans ce cas-là, je me dirais, martelons du point, le JDR, il n'y a pas que du combat. Il n'y a pas que du combat. Moi, j'ai envie de citer un. Alors, vas-y, Flavie, apprends bien à Romaric. Mon anti-exemple habituel. Vas-y. Anima. Ah. À force de le citer, je pense que tout le monde finit toujours par rire quand je le dis. Ouais. Anima, t'as une liste de compétences impressionnantes sur ces feuilles de personnages. Au final, il n'y en a qu'une qui était intéressante. C'est le style. Ouais, mais ça, qui vous a plu. Ouais, c'est ce qui nous a plu. Ouais, mais si tu joues, si tu enlèves cette carac, tu n'as plus qu'un jeu de combat habituel et je vois pas où est passé le manga. Je crois que Jeff voulait rebondir sur Anima. J'en profite pour le dire à haute voix. Vas-y, vas-y. Un petit coup de gueule rapidement sur Anima. C'est pas méchant, je le dis tout de suite. Mais tu peux te lâcher, vu comme j'ai déjà défoncé le jeu dans les épisodes d'avant, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est même pas une question de ça, c'est parce que sinon ce serait trop gratuit. Non, c'est juste passer un message à certains joueurs. C'est quand même, franchement, assez inquiétant. Anima, dans le sens où pendant des années, j'ai entendu des joueurs cracher sur Rollmaster. Cracher sur Rollmaster en disant ça gère tout, c'est du n'importe quoi, sortons les calculettes pour jouer à Rollmaster, ce genre de choses. Et Anima dans tout ça. Ah, c'est génial! Et Anima, c'est génial, c'est magnifique. Mais c'est parce que... Je suis désolé, quand j'ai abordé Anima, je fais un hors sujet rapidement. Vas-y. Quand j'ai abordé Anima la première fois, je me suis dit, mais pourquoi on crache sur Rollmaster finalement? Mais oui, mais c'est parce qu'il y a plusieurs types de joueurs, Jeff. Vraiment, il y a des joueurs qui aiment ça. Il y a des joueurs qui aiment la calculette. Moi, je me souviens très bien. C'est pas ce qu'est en train de dire Jeff. Non, c'est pas ce que. Non, mais tu vois, c'est pour ça. C'est. Pas ce qu'a dit Jeff. Il a dit qu'il y a des gens qui ont craché sur Rollmaster et qui trouvent Anima génial. Génial. Ah, c'est les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Ça, moi, je t'avoue, ça m'a un truc qui m'a inquiété. Voilà. C'est ce que j'appellerais cracher dans la soupe. En gros, il y avait des gens qui étaient fans d'ADD, donc Rollmaster, c'est nul. Anima sort, ça n'a rien à voir avec ADD, on peut jouer. Grosso modo, enfin. Voilà. Tu voulais dire autre chose, Romaric? On revient sur la. Alors déjà, il y a un truc qui s'est super éloigné. J'ai pas pu répondre à Jeff tout à l'heure. C'était par rapport à l'idée que chaque joueur joue un personnage. Je voudrais juste dire qu'il y a des jeux de rôle dans lesquels tous les joueurs jouent le même personnage. Juste pour te dire. Oh, oui. Ah, t'as un exemple. Donc là, du coup, le conflit. Je me souviens plus de ce jeu. Non, désolé. Justement, j'ai recherché, mais je me. On retrouvera, ce sera mis. Je sais pas. Mais en tout cas, mais je pense que les gens dans les commentaires mettront le jeu en question. Mais il y a plusieurs jeux en fait. Hein. Je prends un exemple. Hein. Dans Dirty Secret. Il arrive que plusieurs joueurs jouent le même personnage. Oui. C'est un exemple. Il y en a probablement d'autres. Quoi qu'il en soit, dans ce genre de jeu, les conflits ont lieu entre les joueurs. Voilà, il faut gérer des conflits entre joueurs. Mais bref, c'était pour répondre à un autre truc. J'espère que les auditeurs font le lien. Système universel, c'est de ça dont je voudrais parler maintenant. Ah, système universel. Alors, encore une fois, on retourne sur cette idée historique du vieux fantasme de la simulation parfaite. Comme si le jeu de rôle pourrait simuler parfaitement la physique d'un univers, finalement. Belle utopie, oui. Voilà. Et donc, du coup, la volonté de faire un système universel. C'est un petit peu ce que tu dis pour Rollmaster, finalement. Jeff. Clairement. Et voilà. C'était, enfin, rapidement, je ne veux pas défendre Rollmaster, hein, je suis plutôt neutre là-dessus, mais le problème aussi, c'est que Rollmaster a été vu comme ça, alors que finalement, c'était une boîte à outils, quoi. Tous ces systèmes génériques, moi, me posent problème. Ils me posent problème parce que, du coup, lorsqu'on s'en sert, je pense notamment au DK System. Lorsqu'on s'en sert, on s'aperçoit que le système de conflit proposé imprime une direction au jeu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le système qu'on utilise, le système, par exemple, si j'utilise le DK, il va y avoir forcément un ton un peu humoristique au jeu, pas prise de tête, on se prend pas au sérieux, la boîte de conserve et ce genre d'archétype. Fun, ce que je veux dire, fun, voilà, c'est ça. C'est rigolo ce que tu dis parce que j'avais fait une partie de Cthulhu avec le DK System. Et là, au Cthulhu, ben, ça peut aussi avoir des moments un peu flippants avec la scène et tout. Comme là, la scène n'était pas présente, j'avais pas eu l'impression de faire un Cthulhu. Mais voilà, bon, voilà. Mais le DK System, en fin de compte, quand tu vois comment est fait le livre, comment expliquer les règles, on est de base dans un canon humoristique. C'est-à-dire que si tu refais un jeu, un univers que tu crées avec un DK System, si tu vires l'humour, ça ne marche pas. Tout ça pour dire que finalement, ce sujet sur le conflit me fait vraiment beaucoup penser au sujet sur le système est important. C'est-à-dire que il y a l'idée que les conflits, ce qui gère les conflits, c'est ce qu'on appelle le système de jeu. Ce qui gère les conflits entre les joueurs, on va dire c'est le système de jeu. Voilà. Ce qui gère les conflits entre les personnages, en gros, c'est le système de résolution des actions. Caricature. Toi, pour toi, il y a plus de deux niveaux parce que quand on discute avec des rôlistes, généralement on dit il y a le système. C'est super compliqué. Ouais, mais non, mais en fait. Voilà. Non, il n'y a pas le système. Toi, tu penses qu'il y a différents niveaux dans ce niveau. Différents niveaux, ouais. Je vais me permettre de recentrer un petit peu le débat, éventuellement. C'est dur. C'est difficile, hein. Non, c'est clairement pas évident, hein, parce que forcément, chacun a son point de vue et autres, c'est pas évident. Mmh. Néanmoins, je dirais, vu que Garage est censé aider les jeunes créateurs de jeux de rôle, si on les aide beaucoup, logiquement, c'est l'objectif. Ou du moins leur donner des conseils. Des conseils, des réflexions, ce genre de choses. Finalement, je pense que l'idée que toi t'as envie de véhiculer, Tom, que je trouve assez séduisante, c'est finalement de dire est-ce qu'il y a vraiment besoin de combat ou du moins imposer le combat. Interrogez-vous. Voilà. C'est plus interrogez-vous sur ce que vous voulez de vous dire et de vous dire que le combat est nécessaire. C'est ça que tu veux d'accord, dire. Voilà. Parce que moi, j'ai rien contre le combat, j'adore ça. J'ai créé un jeu où le but c'est d'avoir des relations entre personnages, mais il y a de la scène de combat parce que c'est bien. J'ai vu Thomas faire du poil pour jouer son nain, sauter en vrai sur mon plancher pour jouer son nain qui saute du premier étage dans une taverne. Il a failli péter mon plafond. Voilà. Vous verrez que au prochain le podcast précédent, j'ai couru. Non, c'était pas le podcast précédent, c'était le podcast du mois dernier. Je courais dans la barreau, dans le jardin, en train de gueuler pour friter des monstres. C'est ça, mais j'aime le combat, mais il faut pas se dire quelque chose. Je trouve que si tu mets du combat alors que ça ne n'aide pas ton message, bah ça dessert ton jeu est, pour moi, est nul. Parce qu'en fait, il aurait pu être meilleur, plus puissant. C'est clair. On revient à cette idée qu'il faut s'interroger sur les scènes. Moi, je suis d'accord. On revient à l'idée de Fly qu'il faut s'interroger sur les scènes que l'on veut. Et fonction des scènes que l'on veut, il faut choisir ses conflits. Il faut choisir, tiens, où seront situés les conflits entre les personnages. Pas forcément dans ce sens-là. Pourquoi pas dans l'autre sens aussi. Au-delà même des scènes, moi, j'avais commencé par ces questions-là. Et au final, je me suis rendu compte que les scènes rejoignaient toujours qu'est-ce que tu veux dire, en fait, quand tu fais un conflit. Et moi, ce que je voulais dire, c'était que, aucun conflit ne doit être gagné de façon gratuite. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui soit redonné. Il faut qu'on y laisse des plumes. Et au final, là où j'avais à la base plusieurs types de conflits sur ma fiche, ben j'en ai plus qu'un seul en fait. Mon prochain playtest, c'est voir si ça marche, mais est-ce que ça peut tout gérer ? Parce que du coup, je pars du principe que ce principe-là de laisser des plumes pour n'importe quel conflit marche pour tous les conflits dans le jeu que je veux faire. D'accord. Donc ça dépend vraiment en fait ce qu'on. Mais ce on qu'on est d'accord, dire que. Pour toi, le conflit fonctionne comme ça. Pour ton jeu, mais pas pour tous les jeux. Non, mais c'est pour ça que je dis, c'est bien dans mon jeu, c'est ce que j'ai voulu exprimer. Mais si j'avais fait un jeu où je voulais dire, ouais, l'important, c'est d'être un gagnant, Saint Seiya, en montrant qu'on a gagné, en montrant le grand pas. Enfin, je veux dire, c'est complètement différent. Dans ces cas-là, faut que t'aies une victoire blanche ou tu peux revenir en montrant que t'es trop fort, avec des étoiles dans les yeux, quoi. En tout cas, on voit effectivement que le sujet du conflit, quand même, quelque chose de très vaste. Donc, j'espère qu'on a quand même pas mal éclairci, que ça va vous aider, mais réfléchissez bien là-dessus, parce que si vous faites une bonne réflexion sur le conflit, vous allez avoir un jeu puissant. Moi, bon, c'est mon avis. Hein. Si on a bien réfléchi là-dessus, on peut faire le mieux communiquer, mieux communiquer son jeu. C'est vraiment intéressant, ce qu'il y a un présupposé derrière ce que tu dis, Tom, c'est que, en fait, le présupposé, c'est qu'un jeu de rôle a pour fonction de donner un message ou en tout cas de faire vivre à ses joueurs certains types de choses. C'est-à-dire que, en fait, le jeu de rôle est un jeu d'auteur, au sens où l'auteur décide de quel genre de scène, de quel genre de sensation il a envie de transmettre. Ouais, mais ça, même plus loin. Encore une fois, c'est opposé aux gens qui pensent que non, le jeu de rôle n'est pas là pour ça, il est là pour tout simuler. Tu vois ce que voilà, mais c'est ça. Moi, j'en ai marre des jeux où on dit on peut tout faire. Ouais. Parce qu'en façon, quand on peut tout faire, ce n'est pas vrai, c'est tu ne fais rien. Alors que quand tu cibles, tu fais un jeu d'enquête où tout le système est basé sur l'enquête, ton enquête est puissante. Tu fais un jeu type ADD, on dit il y a de l'enquête, non, je m'ennuie parce que tant que j'ai pas un mec en face à taper, c'est pas intéressant. Et là, je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui se disent, mais Thomas, en fait, ce qu'il veut, c'est que chaque jeu soit spécialisé. Mais ils ont presque raison. Mmh. Oui, ouais. Jeff. Je reviendrai sur le début du podcast, finalement. Vas-y. Sur l'aspect historique. Oui. Ouais. Quand Rome nous expliquait le coup des jeux de figurines, le plateau et compagnie. Ce que je disais, c'est que, au final, avec l'évolution du jeu de rôle, c'était de dépasser les limites du plateau, de dépasser les limites des figurines, quelque part. Ouais. Et là, maintenant, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Tom, c'est que finalement, on est en train d'essayer de vouloir tout faire pour, et ça, ça a été la mouvance. C'est-à-dire qu'on faisait tomber les limites, on faisait tomber les murs pour pouvoir simuler le maximum de choses. Exactement. Et finalement, maintenant, avec du recul et les années de jeu de rôle, que certains peuvent avoir et autres, mais même la pratique évolue, finalement, faut peut-être mieux se spécialiser. Mais en fait, rester sur un point fixe. Moi, je me demande jusqu'où toutes ces réflexions ne viennent pas des réflexions de Vincent Baker et de Ron Edwards sur la forge, qui disent en gros la chose suivante, parce que je sais, Jeff, t'es très curieux de ces théories, que parfois, autour d'une table, il y a certains joueurs qui viennent pas pour jouer au même jeu. Parce qu'en fait, si t'as un système qui simule tout, du coup, tu peux te retrouver avec un joueur qui vient autour de la table pour jouer une histoire d'amour, un joueur qui vient autour de la table pour faire du combat, par exemple. Et ces deux joueurs vont être en conflit. Parce qu'ils n'ont pas envie de jouer au même jeu. De deux équipes qui viennent sur un terrain de basket, sur un terrain de sport, il y en a qui veulent jouer au foot et l'autre qui joue au basket. Voilà. Et pendant qu'il y en a qui viendra sur l'histoire d'amour, celui qui veut faire des combats, il se fera chier. Donc, du coup, si le système est. C'est lié aussi, comme tu le disais tout à l'heure, l'interaction personnage-joueur. Aussi quelque part. Alors, parce que j'ai l'exemple typique d'un pote qui me disait, moi, un monstre, je l'appréhende uniquement par le regard de mon personnage. Alors que tu vas avoir certains joueurs qui vont dire, le jeu me plaît, mais même en tant que joueur, j'essaye d'en savoir. C'est comme avoir sur des tables. On va dire sur une table, on peut avoir quelqu'un qui va être à fond dans l'interprétation, donc faire du roleplay, et d'autres qui sont là juste pour écouter le MJ raconter une histoire. Il y a un problème, c'est que moi, je m'aperçois que j'ai vraiment le cul entre deux chaises vis-à-vis de toutes ces questions, et je suis pas forcément d'accord avec vous sur certains points. Enfin, je vois bien ce qu'on veut dire. Vas-y, exprime-toi. Par rapport à Sens, la question que tu posais, moi, je sais que quand j'ai fait Sens, mon but, c'était de créer un système qui permette de gérer tous les types de conflits de façon universelle. Et tu crois vraiment avoir réussi ? Dans la physique, non, parce que j'ai géré ça, mais dans la physique de Sens. C'est-à-dire d'accord. Alors moi, je peux parler rapidement, c'est là où je suis parti. Moi, je suis parti du principe que ce qui comptait, c'était l'intention, en fait. Et qu'en fonction de l'intention, on avait une charge sur chaque personnage. Il y a des runes qui correspondent à des intentions. Mais comme chacun interprète les runes un petit peu comme il le souhaite, c'est compliqué de parler de ça. Mais en gros, l'idée, c'était de pouvoir mettre le conflit physique et le conflit moral au même niveau. L'idée de pouvoir arrêter une balle en parlant. Avec des mots. C'est ça que j'adore, moi. Ça sent un podcast spécial sur Sens où tu pourras aborder le truc. Non, clairement. Il y en a déjà tellement, on va pas. J'imagine. Non. Mais bon, mais le truc, c'est ça. C'est que l'idée, c'est d'essayer d'arrêter une balle avec des mots. Et tu vois, tu avais dès le départ une problématique. Mais ouais, je voulais faire ça. Et du coup, j'ai l'impression que cette idée de spécialisation, ça rentre quand même en même temps, le jeu, il est fait pour s'interroger sur ce que c'est qu'avoir une intention bonne ou mauvaise. On est d'accord, tu vas pas me dire que Sens est un jeu qui permet de tout faire. Non, Sens ne peut pas. Dire, en fin de compte, Sens est un jeu qui permet de jouer à Sens et tout, basta. Qui permet de jouer à Sens. Oui, non, c'est pas un système. C'est-à-dire que t'as pas juste un univers posé, une couleur. Non. T'as vraiment, ça va beaucoup plus loin. Ce que je voulais, c'est que tous les types de conflits soient gérés universellement par le système. C'est ça que je voulais. Voilà. Mais bon. Oui, Jeff. Justement, donc, en parlant de couleurs et autres, je ferai un exemple un peu cinématographique. Tout simplement, quand on disait imposer, est-ce que faut-il mettre du combat et autres dans un jeu, je résume le truc. Finalement, c'est comme dire pour un film en noir et blanc, c'est faut-il le faire en couleur quelque part. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Faut-il coloriser ou pas ce film en noir et blanc ? Voilà, c'est et je crois que la réponse entre pas de limite et avoir la possibilité de tout faire dans un jeu de rôle et la spécialisation. Je pense que c'est entre guillemets le noir et blanc et la couleur quelque part. En tout cas, moi je sais pas, ça doit pas être très clair de la façon que je l'exprimais, mais C'est difficile ténu, de toute façon. Hein. C'est vrai que c'est ce que je voulais dire avec simple. La PS3 et la NES tout à l'heure. Ouais. Parce que ton jeu, on peut faire sur plein de trucs. Hein, bon, je veux dire. Non mais moi je prends l'exemple de Silent Hill par exemple. Par exemple les nouveaux Silent Hill, super beau, super super lisse et tout. Donc quand je dis nouveau, je parle par exemple à Silent Hill 3. Si je compare par exemple Silent Hill 3 à Silent Hill 1, Silent Hill 3 sur PS2 était beaucoup plus joli, les monstres étaient plus lisses, plus. Alors les monstres étaient vraiment bizarre et tout, mais n'empêche que voilà, le jeu était plus propre. Et du coup, ça m'a moins impressionné que Silent Hill 1 où c'était sale, c'était crade, tu vois. Et ben, par exemple, si je veux faire un jeu d'horreur, je pense que c'est intéressant d'utiliser par exemple les pixels de la PlayStation 1 qui permettent de faire des trucs sales, beurrés, voire même la Nintendo 64. Parce que sur Nintendo 64, le lissage des textures est tout flou, tout bizarre, ça se trouve, ça serait plus intéressant. Voilà, un exemple. Ou par exemple, on utilise un moteur physique pour faire quelque chose, pour avoir, pour défendre une certaine intention. Enfin, je sais pas comment. Mais non, moi, je vais juste. Alors, je vais parler d'un film. Moi, je crois vraiment que je vais parler de Tron Legacy. Vas-y. Tron Legacy, pour moi, c'est un bon exemple pour parler de jeu de rôle, même si c'est un film. Quand ils ont fait Tron Legacy, les passages moi qui m'ont le plus, c'est les moments où ils parlent de la mythologie du truc, de l'ontologie de ce qui se passe. Mais comme c'était un film américain, ils se sont dit ah, il faut mettre plein de combats. Sauf qu'en fait, il n'y a pas tant de combats possibles que ça. Donc on va mettre une arène et puis ils vont se battre dans l'arène et puis ça va prendre plus de la moitié du film. Et puis comme ça, au lieu d'avoir un film qui aurait pu durer une heure et demie max et qui aurait pu être intéressant, on se retrouve avec une bouse d'environ 2h30 où tu te fais ça, chier pendant tous les trucs du ça, combat. C'est encore un autre problème. Mais non, parce que je trouve qu'il y a des jeux de rôle des fois où en fait, il aurait juste fallu mettre des conflits pour pouvoir avoir des bonnes joutes orales et où le combat voilà. N'aurait rien eu à, le combat physique n'aurait pas eu à voir là-dedans. Sauf qu'il faut du combat physique pour que ce soit bien hollywoodien, donc du coup on va en rajouter. Oh, on rajoute ce combat physique. Tout ce que tu dis a l'air de faire réagir tout le monde. Alors, je vais d'abord laisser la main à Jeff. Alors vas-y Jeff, exprime-toi. Je rebondis sur Tron Legacy rapidement. Finalement aussi, ça peut être un bon. Donc t'as pris un exemple de cinéma pour du jeu de rôle. Je dirais finalement, faut voir aussi au niveau jeu de rôle qu'est-ce qu'on veut. C'est-à-dire, est-ce que c'est simplement du divertissement ou est-ce que c'est quelque chose de psychologique, d'anthologique? C'est toujours une question d'intention. Voilà, c'est les intentions. Et sur Tron Legacy, alors c'est mon avis perso, ce genre de film-là, je vais les voir parce que c'est tout simplement un divertissement. Je déconnecte l'esprit, je vois des belles images, j'entends de la belle musique, et waouh, c'est joli. Moi, je crois vraiment que. Mais je suis pas sûr qu'en fait, ça réponde vraiment à la question du. Du conflit. Alors, tu si penses vraiment pourquoi, vas-y, je t'explique vas-y, pourquoi. Romaric. Parce qu'il y a trop de joueurs, il y a trop de gens qui créent des jeux de rôle dans l'idée hollywoodienne du spectacle. Et qui se disent que du coup il faut un système de combat parce qu'il faut que ça pète, il faut qu'il y ait de la baston, il faut qu'à un moment donné, etc. D'accord. Donc là, ce que dit Fly, c'est on n'est pas forcé de faire des jeux hollywoodiens, on peut aussi mettre de côté le combat et le vrai conflit, ça va être le conflit psychologique. Donc tu dis que c'est la faute clairement, de Michael Bay, on a des jeux de rôle aussi pourris. Exactement. Oui non. Moi j'ai dit oui. Arrêtez d'aller voir Transformers. Non, mais par contre c'est vrai voilà. Que le cinéma hollywoodien fait c'est vrai peut parfois. Inciter des gens, des créateurs de jeux à les donner dans ce côté-là parce que voilà. Alors que finalement, ce qui nous intéresse, je prends par exemple les X-Men. Moi, ce qui m'intéresse dans X-Men, je n'en ai rien à foutre des scènes de baston. Ça ce qui m'intéresse, c'est quand joueurs. Ils commencent c'est à causer Xavier, entre Magneto et Xavier. Magneto. Et que là, il y a du struggle parce que là, il y a des vrais arguments posés sur la table. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas uniquement qui dirais, c'est qui frappe le mieux. Clairement, je dirais, effectivement, psycho-divertissement. C'est un exemple. C'est un exemple. Non, on est d'accord. On peut se divertir. On peut prendre du plaisir. Pardon, excuse-moi. On peut prendre du plaisir à jouer des choses psychologiques. Moi, je prends du plaisir à assister à un combat psychologique entre Magneto voilà. Et Xavier. Dire, on est d'accord, Romaric. C'est pas parce que toi, tu préfères. Dans les X-Men, ce que tu préfères, c'est les discussions entre Xavier et Magneto. Donc, si je veux faire mais tu n'as rôle, rien contre les gens qui préfèrent regarder la baston. Absolument, bah non, voilà. Mais c'est ça pas parce que toi, tu veux faire. Exactement. Oh, voilà. Mais par contre, non, si moi, j'ai envie de faire un jeu où le but, c'est de jouer des persos à la Xavier et à Magneto, bah, les combats, je vais les virer, quoi. Tu vas les enlever. C'est ça que veut dire Fly. C'est que finalement, il oui. Y a deux démarches. C'est que dans Tron Legacy, soit, en fait, moi, ce qui me gênait dans le film, c'est la même chose qui peut gêner autour d'une table, c'est qu'ils ont voulu mélanger deux choses dans le film. Soit tu fais un jeu de combat, Mais c'est Matrix. Soit tu fais un truc où tu réfléchis. Mais là, dans les deux cas, je pense que les trucs, les moments où il parlait pendant plus d'une demi-heure, ça a dû faire chier les mecs qui voulaient juste voir de la baston. Et les moments de baston, moi, ça m'a fait chier parce que je voulais juste voir des moments où il parlait de métaphysique dans l'ordinateur. C'est Matrix dont tu es en train de parler là. Oh, si, oui. C'est off action, off réflexion. Eh, action, le moment réflexion, de l'architecte, je suis désolée, deuxième, moi, je voulais voir un truc d'action. Les moments de l'architecte, je me suis grave fait chier. Jeff. Et si justement la personne qui nous écoute, enfin les personnes qui nous écoutent, qui sont en train de créer un jeu de rôle, leur c'est vraiment la question qu'on pour le coup. Si son intérêt justement c'est de faire les deux, son envie c'est de faire les deux. De faire un Matrix quoi, action, réflexion, psycho, action, réflexion. Divertissement. Tu peux le faire. Je pense que ça peut marcher. Mais il faut bien réfléchir sur ton envie. Rien ne t'empêche de faire quelque chose comme ça. Il faut que les joueurs autour de la table sachent quand t'es dans le mode action et quand t'es dans le mode réflexion. De manière à ce qu'il n'y ait pas un joueur qui soit en mode réflexion en mode pendant que l'autre soit en action. Mode action. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit comme dans Matrix. Tu veux. Mettons, tu peux très bien mettre en place un contrat social du type « Ce soir, on va jouer à un jeu dans lequel on va alterner successivement des scènes d'action et de réflexion. » Et rien ne t'empêcherait sur ta fiche d'avoir le côté pilule bleue où tu vas être à fond dans la baston et tout. Puis à un moment, le maître de jeu, il pourra tout à fait tourner une pilule et montrer la pilule rouge pour montrer que là, ça y est, c'est en, le moment en gros, philo. Mais il faut que tu... Là, tu viens de dire un truc intéressant, Marie, sur le point que je voulais venir. C'est, en gros, faire une liste des conflits, ça sert aussi à ce que, quand t'as des joueurs à ta table, que tu dis, bah voilà, moi, mon jeu, j'ai bien réfléchi au conflit, vous aurez tel type de conflit. Le joueur, il sait à quoi s'attendre. Et que si directement ce type de conflit-là ne lui plaît pas, il dit, ok, je peux ne pas jouer. Pas de frustration à la table. Ça permet d'être clair avec sa table, d'avoir un contrat clair et que finalement, tout le monde soit d'accord. Dis-moi quel genre de conflit il y a dans ton jeu je te et je saurai si j'ai envie de jouer ou pas. Voilà. C'est ça, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça m'est déjà arrivé à dire les rares tables, les rares scénarios où pour moi ça s'est mal passé, c'est parce qu'effectivement on avait des attentes de joueurs qui étaient différentes. Il y a un mec qui était venu pour faire de l'optimisation et un autre qui était venu pour jouer son personnage. Ouais, exactement. Et quand tu fais ça, t'as forcément un moment où il y a un mec qui va tirer la tronche et qui va dire « Oh, moi, j'ai passé une mauvaise soirée. » Et ça fait chier la table, ça fait chier le MJ et ça fait chier le chien. Tout le monde passe une mauvaise soirée parce que le mec qui veut faire de l'optimisation, il se fait chier aussi. Voilà. Finalement, une des réponses possibles, qui est peut-être universelle éventuellement, je sais pas. Ouais, non, mais ce serait là. Il va te tuer, hein. Vas-y. Je commence à tendre la joue pour me faire taper. Non, mais pour faire simple, sur le truc que t'es en train de dire, finalement, c'est la communication aussi. Alors, sur y a les de attentes la com. Des joueurs. Mais tout ça, en fait, entre le maître de jeu, les joueurs et autres. Voilà. De bien expliquer. C'est les le intentions. Jeu qui doit expliquer les intentions qu'il va y avoir autour de la table. Je pense que, attention, parce que là, on reste pas non plus sur une écriture de base, sur une écriture de règles. On est bien dans une phase où on a quelqu'un qui veut créer un jeu. Il arrive à un moment, c'est qu'est-ce que je veux faire dans mon jeu? Là, on a pris une approche, réfléchis au niveau des conflits, qu'est-ce qu'il faut traiter parce que ça va aider. Donc, on est vraiment le fait de bien bosser ces conflits-là, ça vous rend une clarté du jeu, ça vous rend des scènes puissantes, ça vous permet de vraiment faire plein de choses au lieu peut-être éventuellement du combat. Moi, si j'ai vraiment abordé ce thème-là, c'est parce que j'avais marre de voir des jeux où on met des règles de combat, on vire le reste, et en fin de compte, le combat, il est nul, personne veut jouer, et en fin de compte, le jeu sera jamais joué. Comme si c'était un passage obligatoire. Voilà. Bon, dis donc, c'était un sacré sujet, hein, et je pense que, en fait, j'ai envie de dire que tout, on pourrait quasiment faire un épisode du Garage, Thomas, sur chaque type de conflit. Alors on pourrait le faire, mais c'est... on revient toujours à la même chose. Si on pouvait c'est en avoir une difficile, liste exhaustive. Voilà. Si on avait toute la liste, on pourrait le faire, mais ouais. C'est dur. Incroyable. Et puis, bon, c'est pas mon but. Mon but, c'est pas vous décrire tous les types de conflits. C'est vraiment dire, vous, auditeurs qui veulent créer un jeu, pensez que les conflits existent, de bien vous interroger de façon à avoir quelque chose de puissant. De pas dire, ça y est, mon jeu est sorti, à la fin, dire... Ah, j'aurais pu faire mieux, en fait, j'aurais dû gérer ça. Parce que plus vous ferez de la réflexion avant vraiment de l'action, dire écrire, plus vous aurez un jeu carré qui vous fera envie. Ouais. Et qui, donc, s'il vous fait envie, il fera envie à des joueurs. Il a raison, on a vu trop d'auteurs de jeux qui débarquent en disant le but de mon jeu, c'est de faire tel type de conflit, et en fait, ça occupe une page dans une base qui fait 1000 pages. Et du coup, tu te dis, c'est con, parce que c'est pas du coup, voilà. Parce que le mec, il fait, oui, mais il fallait bien un système de combat. Ah, bah oui, mais il fallait bien. Bah non, justement, c'est ce que dit Thomas. Alors, puisque je pense que là t'as on a quelque bien, chose à rebondir. Je pense qu'on a fait non, vraiment pas ça, mal je le pense tour. Qu'on a fait le tour de l'émission. Moi, j'aimerais bien te poser une question en micro pour que les éditeurs puissent en profiter. Comment tu trouves cette émission, l'émission qu'on vient de faire là? Alors l'émission là, je pense que on atteint l'objectif du jeu. D'accord. Je trouve que c'est encore trop fouillé. C'est trop brouillon. Ouais. Je trouve que c'est encore trop brouillon, mais on voilà, vous inquiétez pas, c'est la deuxième, c'est alors on le rodage, problème vous allez comprendre, c'est une idée que moi j'ai. Je suis quelqu'un qui s'exprime très mal parce que avec les mots, je suis pas très doué. Je suis plutôt doué dans la sensation, donc j'arrive pas à clarifier tout ça. Mais on y arrive, je trouve déjà ça mieux que le premier qui était trop généraliste. Là, on essaie d'un peu plus se spécialiser. J'essaie d'exprimer bien l'intention de ce sujet, mais vous verrez les prochains, on sera plus clair. On sera plus carré. Et surtout, n'hésitez pas, mettez des commentaires. Si vous avez trouvé ça bien, vous le marquez. Si vous avez une idée, vous le marquez. Bref, c'est du playtest. Si vous avez trouvé ça complètement pourri, mais marquez-le. Ah, et si vous avez des idées, des questions que vous êtes en train de vous poser pendant que vous créez votre petite merveille, votre petit jeu, et vous dites, mais j'arrive pas à faire ça, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot. Ça qui me dérange, c'est que finalement, il nous manque peut-être des questions d'auditeurs qui nous diraient, moi, j'arrive pas à faire ça. C'est possible. Jeff, il veut dire. Pour ce rodage façon de parler, finalement, c'est quoi ? C'est de poser les bonnes questions, finalement. Non, c'est ça. Mais bon, je vous dis à la prochaine émission. On a un nouveau carbu, un nouveau moteur, et attaquez pas, la petite Fiesta, ça va être une Porsche, moi je vous le dis. Vroom ! Ah, salut ! Allez, salut ! Salut !